injuste, injuste. On a grandi sur le bitume, on a du mal à calmer le bout de la plume. Oh, t'étonnes pas si les phrases fusent. Énervé dans la vie comme dans les écrits, dans ce monde de pute. Combien veulent me voir chuter, grandi sur le bitume. C'est la rue qui m'a endurci, j'ai pas changé. Tu peux me trouver au quartier. Les années ont passé mais y'a toujours autant de putain. Ça douille entre frères ou pendant que l'état gratte du terrain. Victime de manigance et les fous suivent comme des pantins. En mode vénère, j'm'en vais chercher mon putain. Joro, elle pétante, Joro, elle pétante. On pose avec la haine pour tous les frères au cap plein. Clic, clic, boum, là le son anti-lampin. Le son des quêtes plats, ouais, le son qui vient d'en bas. Déterminé, y'aura personne pour nous la fermer. Les bails seuls remèdes pour nous calmer. T'as reconnu le thème, ouais, c'est énervé. 6-200, elle pétante, on n'est pas là pour t'arrêter. Énervé, poteau, parce que la vie est injuste, injuste. On a grandi sans le bitume, on a du mal à calmer le bout de la plume. Oh, t'étonnes pas si les phrases fusent. Énervé plutôt parce que la vie est injuste, injuste. On a grandi sans le bitume, on a du mal à calmer le bout de la plume. Oh, t'étonnes pas si les phrases fusent. Pour écouter du vrai peu rare, repose-toi la question. Tes critiques et ta haine n'attirent pas mon attention. Même si nos rimes ne sont pas synonymes de perfection. La règle est simple pour les cris et l'élocution. T'as l'état rendu que tu provoques une solution. Le son est hard, violent, voici la confirmation. Ça vient de la rue, ça vient du sang, stigmatisation. Pure 30, écoute le son sans modération. Le poids est lourd, les mots te suivent bien dans ta direction. Trace ma route, chacun la sienne et sans limitation. J'crains la paix, néglige la terreur pour une bonne action. Depuis le début j'écris mes douleurs avec attention. Tu dis que t'as le soir le style mais sans prétention. Tu fais genre des travails ou sans aucune conviction. Comme un soldat qui part en guerre sans ses munitions. Ça fait pitié, sache qu'on est là sans recommandation. Énervé plutôt parce que la vie est injuste, injuste. On a grandi sans le bitume, on a du mal à calmer le bout de la plume. Oh, t'étonnes pas si les phrases fusent. Énervé poteau parce que la vie est injuste, injuste. On a grandi sans le bitume, on a du mal à calmer le bout de la plume. Oh, t'étonnes pas si les phrases fusent. Joro, Erdo, 6-2-5-J-L-P-K. Joro, Erdo, 6-2-5-J-L-P-K. Énervé, énervé, 6-2-5-J-L-P-K. Énervé, énervé, 6-2-S-I-N-J-L-P-K.